Maintenant je savais ce que j'ai fait. Peut-être bien fait pour ma gueule. À quel moment j'ai dérapé? Pourquoi tu me laisses crever toute seule? Avant pour toi j'étais sale.